pas. Poto, je suis pas de vin, mais ton coup, je le sens pas. Pété dans la night, tu peux me voir dans ma vie. On m'a dit, tu montes la live, t'auras des ennemis. Pourtant, me fais pas la bise, je t'en trahis, love me. Gros, viens voir ma vie, viens dans ma galaxie. J'ai gaffe, les gens ont beaucoup changé depuis. Il pleut des balles, mon poteau, c'est pas de la pluie. Millions d'euros coffrés dans mon MacBook. Là, je suis sur Barcelone, j'sors W. J'profite un peu vers chez moi, y'a beaucoup de jaloux et trop de faux voyous. Parle de moi, rien à faire de leur vie. C'est comme ça, dis-leur que j'dors pas, dis-leur que j'm'arrête pas. C'est comme ça, dis-leur que j'vais tout niquer. C'est donc ça, j'fais un petit tour de zone avant de rentrer chez moi. C'est comme ça, c'est la zone en personne. Dans le 1, toi c'est fier de moi. Tu dis aux gens que tu m'aimes pas, me touche pas la joue. Qu'est-ce que t'as dit à la juge, à quoi tu joues? En plus tu fais le grossiste dans ta story. Tu dis changement ça quand je passe à la radio. Moi je fais pas le show, moi je fais pas le show. Toi tu veux que j'échoue, je vais te montrer qui je suis. Je regarde ma série, postée dans les lits. Concert sur la lune, ça finit tard la nuit. Millions d'euros coffrés dans mon MacBook. Là je suis sur Barcelone, je dors W. J'profite un peu vers chez moi, y'a beaucoup de jaloux et trop de faux voyous. Parle de moi, rien à faire de leur vie. C'est comme ça, dis-leur que je dors pas, dis-leur que je m'arrête pas. C'est comme ça, dis-leur que je vais tout niquer. C'est donc ça, je fais un petit tour de zone avant de rentrer chez moi. C'est comme ça, c'est la zone en personne. Dans le 1, toi c'est fier de moi. Là je suis sur Instagram, plus trop Facebook. Je vois des anciennes de la team qui donnent des news. I love you, elle me dit elle veut me voir la miss. J'suis dans le 4 anneaux, en fumette, prends des sens interdits. Un coup elle veut faire la dure, un coup elle veut faire l'amour. Elle est belle dans la nuit, elle est belle dans le jour. Millions d'euros coffrés dans mon MacBook. Là j'suis sur Barcelone, j'dors des bellios. J'profite un peu vers chez moi, y'a beaucoup de jaloux et trop de faux voyous. Parle de moi, rien à faire de leur vie. C'est comme ça, dis-leur que je dors pas.